dans ma gratte. Je leur joue, je t'interdis carrément. Quel talent! Et je suis un peu rebelle. Je fais le monde avec mes potes. On parle aussi de toutes ces pucelles. On m'emmène dans une sans trois pigeottes. Comment te dire, oh mon gars, y'a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est la dureté de la vie, faudra t'y faire. C'est ainsi, moi, je connais tout à la vie, du moins à celle de mon quartier. Je sais que pour moi, tout est acquis. C'est ainsi, c'est comme ça que je suis né. Et je soigne particulièrement mon look jean usé et t-shirt Reebok. Les filles me considèrent comme une bombe avec ma mèche sur les yeux qui tombe. Décontracté, celui qui se fout de tout. Dans la cour, je fous le thé. Ouais, les profs sont trop relous. On se moque aussi du premier de la classe. Dans la cour, on le fracasse. Et si après, il va failloter, le pauvre mec est exterminé. Comment te dire, oh mon gars, y'a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est la dureté de la vie, faudra t'y faire. C'est ainsi, ne crois pas que je fais le malin, moi. Je suis qu'un jeune qui m'éclate. Et puis à mon âge, c'est très bien. Puisqu'après le temps pour attraper, on devient un adulte ennuyeux qui passe son temps à râler. Qui traite les jeunes de morveux, d'insouciants, de débiles légers. Comment te dire, oh mon gars, y'a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est la dureté de la vie, faudra t'y faire. C'est ainsi, hey. La vie, faudra t'y faire, faudra t'y faire, faudra t'y faire, c'est ainsi.